Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL. Et après ce rappel, cette histoire de Futur Simple, nous allons revenir à une émission, une chronique plus habituelle. Et nous sommes pour cela en compagnie de Cyril Barrette, professeur de biologie au département de biologie à l'Université Laval. Et nous allons, pour cette première chronique de l'année, on va faire une incursion dans le monde d'Alice au Pays des Merveilles et de parler de la Reine Rouge. Alors, quel est le rapport? C'est parce qu'il y a un rapport avec l'évolution. Bien sûr, on est avec Cyril Barrette, donc il y a un rapport avec l'évolution. Bonjour Cyril. Bonjour Valérie, ça va? Ben oui, ça va très bien. Alors, en fait, c'est ça, on va parler de coévolution. Et pour introduire le concept de coévolution, la notion de coévolution, peut-être qu'on peut commencer par un cas simple, celui... on peut peut-être déjà recommencer par la notion d'évolution tout court. Donc on se souvient que les espèces évoluent en fonction des pressions exercées par leur milieu. Donc par exemple en fonction des facteurs comme le froid ou la lumière, ou peut-être l'accès à la nourriture. Donc par exemple, s'il y a des oiseaux qui veulent manger des grosses graines, elles vont avoir besoin d'un gros bec. Et il arrive que parfois, dans l'accès à la nourriture elle bouge et il faut leur courir après. Donc là, on a un prédateur, une proie et un prédateur. Et là, il va falloir donc que les deux courent. Et là, ils vont coévoluer tous les deux. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer à partir de cet exemple un petit peu caricatural, peut-être? Non, mais c'est un exemple qui est très révélateur. En fait, on dit toujours, comme tu viens de le dire, qu'une espèce évolue en relation avec son environnement. L'environnement abiotique, alors la température, l'humidité, etc. Et l'environnement biotique. Mm-hmm. Et ça veut dire les autres espèces. Et comme les autres espèces évoluent aussi, c'est ce qui fait qu'il y a une coévolution. L'évolution d'une espèce dans un milieu entraîne l'évolution dans une direction appropriée des autres espèces avec lesquelles elle interagit. Alors, un exemple simple, c'est justement la relation prédateur-proie. On observe dans la savane africaine un guépard qui court très, très vite, jusqu'à 100 km/h, mm-hmm. apparemment. On se demande pourquoi est-ce qu'il court si vite. Bien, il court aussi vite pour attraper des antilopes. Pourquoi courir si vite? Parce que les antilopes courent si vite. Pourquoi les antilopes courent vite? Pour fuir le prédateur. Oui. Donc, on a... La capacité de course du prédateur est à la mesure ou à l'image de la capacité de course de la proie et vice-versa. C'est ça, et réciproquement. Et à chaque fois que la sélection naturelle, par exemple, améliore l'efficacité de course du guépard, cette amélioration constitue une détérioration des conditions de l'environnement de la proie. Du moins une pression. Est-ce qu'on peut dire que c'est une forme de pression sur la proie et que donc il va y avoir une sélection des antilopes qui courent encore plus vite? C'est ça. Il y a une nouvelle pression sélective parce que le prédateur court maintenant plus vite. Mm-hmm. Donc la sélection doit améliorer. Ben, quand on dit doit, mm-hmm. la sélection va encourager l'amélioration de la capacité de course de la proie pour pouvoir fuir le prédateur. Donc et il y a un équilibre entre les deux, parce qu'il y a des alternatives. Ce serait que le prédateur devienne beaucoup trop rapide pour la proie et extermine la proie, ce dont il souffrirait éventuellement lui-même, mm-hmm. ou la proie court beaucoup plus vite que le prédateur et le prédateur meurt de faim. Donc, mm-hmm. si le système se maintient à long terme, c'est qu'il y a un équilibre mm-hmm. entre les deux. Il y a une coévolution, l'évolution d'une espèce entraînant l'évolution de l'autre. Mm-hmm. Et alors, quel est le rapport avec la reine rouge? Parce qu'on dit que, la théorie de la reine rouge, c'est aussi la théorie de la coévolution. Ouais, voilà. C'est quoi le rapport? Voilà. Alors, la métaphore de la reine rouge est très utile, parce que si on se souvient, dans Alice au Pays des Merveilles, la reine rouge, Alice observe la reine qui court, oui. mais qui reste sur place. Alors, elle lui demande « Pourquoi tu cours? » Mais la reine court aussi vite parce que le sol sous ses pieds et le paysage autour d'elle recule vers l'arrière. Donc, si elle s'arrête de courir, elle recule. Mm-hmm. Elle perd du terrain. Elle court pour rester sur place. Mm-hmm. Alors, c'est exactement ce qu'on observe dans le cas du guépard et des antilopes. C'est que malgré des millions d'années d'évolution sur la capacité de course du guépard et de l'antilope, c'est toujours difficile aujourd'hui pour un guépard d'attraper une antilope et c'est toujours dangereux pour l'antilope de se tenir proche ouais. du guépard parce qu'il y a eu une coévolution. Ils sont toujours au même point, sont l'un par rapport au même à l'autre. Point. Elles ont couru pour s'améliorer par sélection naturelle. Mais évidemment, là, je parle en termes anthropomorphiques, c'est ouais. pas... Bon, mais donc, elles ont pendant des millions d'années, elles ont couru pour améliorer leurs conditions de course, leur efficacité, mais elles sont toujours au même point. C'est toujours équilibré entre les deux. Donc, c'est pour ça qu'on fait mm-hmm. référence à cette métaphore qui décrit très bien le fait qu'il y a un équilibre qui se maintient, mais c'est un peu comme des canoteurs qui seraient à contre-courant sur une rivière. Bien, il faudrait qu'ils rament constamment pour ne mm-hmm. pas reculer. Mm-hmm. Donc là, est-ce que cette notion-là, on l'a vu dans le contexte d'une proie prédateur, une relation proie-prédateur, mais est-ce qu'on peut l'appliquer aussi à d'autres relations animales? Parce que, par exemple, là, on a un carnivore donc, qui mange de la viande, mais si on a un herbivore, Est-ce qu'il va y avoir aussi une relation comme ça de coévolution entre l'animal et la plante qu'il mange? Toujours. Parce que mm-hmm. si on pense en termes d'écologie, l'écologie, c'est la somme ou la synthèse de toutes les interactions qu'une espèce entretient avec les conditions du milieu qui l'entoure. Encore une fois, les milieux abiotiques, biotiques et sociaux. Et ces conditions sont toujours entretenues puisque l'évolution d'une espèce entraîne l'évolution des autres. Donc, ça s'applique dans tous les cas. Mm-hmm. Dans tous les cas où on observe l'évolution d'une espèce, il n'y a aucune évolution qui se fait en vase clos, autrement dit. C'est mm-hmm. toujours lié à ce qui l'entoure. Mm-hmm. On pourrait presque dire que tout est lié. Oui, oui, je comprends bien, mais je ne vois pas la plante qui est mangée par l'herbivore en train de courir pour échapper. Elle évolue pour échapper à son... Elle n'est pas en train de courir, mais elle va produire des défenses pour résister au broutage. Ouais. Alors, elle va produire des épines, elle va produire, entre autres, des produits toxiques dans ses feuilles qui nuisent à la digestion mm-hmm. de l'herbivore. Donc, l'herbivore va être découragé de consommer cette plante-là. Là. Puis l'herbivore, lui, va réagir dans cette même course en développant des façons de détoxifier, de digérer malgré tout, malgré les résistances de la plante. Okay. Et là, on a encore le même genre de course où il y a une coévolution entre les deux. Puis là, on dirait une course aux armements, en fait, parce que la plante développe une toxine ou des épines, en tout cas donc une forme d'arme pour empêcher l'herbivore et l'herbivore contourne ou développe une contre. Voilà, c'est une autre expression qu'on peut très bien utiliser, qu'on mm-hmm. utilise dans la littérature dans tous les cas. Ce n'est pas nécessairement le cas juste quand on développe des armes pour mm-hmm. attaquer. C'est la même métaphore que la course aux armements entre deux pays, comme par mm-hmm. exemple le bloc soviétique dans le passé et les États-Unis. Mm-hmm. Si on a 1000 ogives nucléaires, puis le voisin en a 1200, bien, il faut en construire un peu mm-hmm. plus, puis on en a construit un peu plus, donc ça stimule la construction chez l'autre. C'est cette course aux armements est une métaphore, encore une fois, mm-hmm. pour la coévolution qu'on trouve dans toutes les interactions mm-hmm. écologiques. Donc, qu'on trouve partout chez toutes mm-hmm. les espèces, que ce soit la relation d'herbivores, plantes, hôtes, parasites, prédateurs, proies, mm-hmm. bactéries et les antibiotiques mm-hmm. que nous, on produit. Ah, oui. Il y a là encore une course aux armements. Mais est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Donc, parce que là, on parle un petit peu dans le vide d'herbivores qui mangent des plantes, mais est-ce qu'on a des exemples concrets pour illustrer ça? Bien, un exemple extrême, peut-être, c'est le koala qui consomme des feuilles d'eucalyptus. L'eucalyptus mm-hmm. est réputé de produire des toxines dans ses feuilles qui résistent, qui permettent de résister au broutage. Donc, il n'y a pratiquement pas d'insectes qui attaquent les feuilles d'eucalyptus, ni d'autres herbivores. Mais le koala y arrive parce que le koala a développé des façons mm-hmm. de digérer la plante malgré tout. Et c'est très avantageux pour lui parce qu'il se retrouve sans compétiteur. Ah oui, il fait face à une grande abondance de nourriture à la condition d'être capable de se débarrasser des toxines. Mm-hmm. Donc, on imagine que l'eucalyptus, à son tour, quoique là, s'il est brouté seulement par le koala, c'est pas un broutage qui met sa vie en péril, mais il pourrait très bien continuer de développer des toxines de plus en plus toxiques mm-hmm. Pour résister au koala. Si le koala arrivait à presque surexploiter les feuilles. Oui, mais bon, on comprend que le koala a intérêt de manger L'eucalyptus. L'eucalyptus, merci. Mais quel est l'avantage de l'eucalyptus, lui, à se faire manger par le koala dans cette course-là, dans cette recherche d'équilibre? C'est difficile d'en imaginer mm-hmm. Parce qu'il n'est pas question de pollinisation de quoi que ce soit. Il n'est pas question de dispersion des graines. Mais même s'il n'y a pas d'avantage pour l'avantage n'est pas nécessairement toujours mutuel dans ces D'accord, interactions-là. Ouais, ouais. Mais comme le koala est le seul ou à peu près à brouter certaines espèces d'eucalyptus, ben ça met pas en péril l'eucalyptus. Donc, mm-hmm. il est tout à fait capable de tolérer, mm-hmm. de le tolérer. Ah, mais oui. mais si la pression de broutage augmentait, on peut imaginer qu'il va augmenter la quantité de toxines pour pouvoir résister mm-hmm. davantage. Donc ça, on le voit aussi, donc cette notion de coévolution dans le cas d'un herbivore. J'imagine que ça s'applique aussi au cas de parasitisme. Et puis, comme vous le disiez, donc aux insectes pollinisateurs. Ça s'explique partout. Donc là, il y a un avantage mutuel là, dans le cas pollinisation. Dans ce cas-là, il y a un avantage mutuel. Alors, un des exemples classiques, c'est qu'on dit que Darwin aurait découvert, je pense que c'était à Madagascar, une espèce de plante dont la corolle, de fleurs dont la corolle était très, très, très profonde. Et là, il imaginait très bien qu'il fallait un animal qui ait l'appareil nécessaire pour pouvoir polliniser ces fleurs. Alors, il avait prédit mm-hmm. qu'on trouverait un jour un animal qui aurait un bec ou une trompe suffisamment longue pour pouvoir avoir accès au nectar au fond de la mm-hmm. corolle. Et plusieurs années plus tard, on a découvert effectivement une espèce de papillon mm-hmm. qui pollinise cette fleur, qui est le pollinisateurs exclusifs. Et là, on observe une correspondance remarquable dans la longueur de la trompe du papillon et la profondeur de la corolle. Ça, c'est pas arrivé par hasard, c'est pas arrivé par design ou par dessin, par projet. C'est arrivé par coévolution, par sélection naturelle au cours des générations, de génération en génération. Donc là, à l'avantage des deux, le papillon se retrouve à avoir, être le seul à avoir accès au nectar dans ses fleurs et la fleur, elle, est assurée d'avoir un pollinisateur. Donc, la fleur, elle a besoin d'avoir un pollinisateur. Peut-être qu'à un moment donné, elle avait, je sais pas, la corolle d'une certaine profondeur et le papillon est arrivé, puis il y a eu une coévolution pour que... C'est sûr que là, on n'était pas là pour voir les débuts de l'histoire. Donc, on n'était pas là pour comprendre pourquoi est-ce qu'il y avait un avantage pour cette espèce de fleur d'avoir un seul pollinisateur, de se débarrasser des autres qui avaient peut-être des effets secondaires néfastes. Je suis en train de spéculer, là. Ce qui est certain, c'est que, je disais tantôt, la correspondance à la longueur de la trompe et de la corolle, c'est pas arrivé par hasard, mais il peut très bien avoir eu, au point de départ de l'histoire, un événement aléatoire qui a déclenché le processus. Puis une fois qu'il est déclenché, bien là, on a la coévolution qui s'enclenche. D'accord. Et est-ce que cette théorie de la reine rouge, là, maintenant qu'on a vu plusieurs exemples, que ça s'applique quand même de façon assez largement dans plein de relations entre les animaux eux-mêmes, entre les animaux et les plantes, puis c'est intéressant d'ailleurs de voir que ça sort du règne animal, que c'est trans-règne finalement. Oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que ça nous apporte une meilleure compréhension de l'évolution, du mécanisme de l'évolution en général? Oui, je pense que ça met l'emphase sur l'aspect interactif entre les espèces. Que les espèces, comme on disait, sont adaptées à leur milieu et les conditions du milieu d'une espèce les plus importantes qui constituent le moteur le plus fort pour conditionner l'évolution, pour conditionner la vitesse de l'évolution et la direction de l'évolution, c'est pas nécessairement les conditions abiotiques comme la température, la salinité, le pH de l'eau, c'est la présence des autres espèces. Parce qu'à mesure que les autres espèces changent, elles peuvent changer relativement rapidement par rapport au climat, par exemple, mais ça entraîne l'évolution d'une espèce en particulier. Et comme une espèce est en interaction avec plusieurs espèces, bien, ça donne un grand nombre d'opportunités d'évolution. Donc, ça nous permet de voir l'évolution comme une espèce de réseau. Là. Ah oui. Un réseau où tout est attaché à tout, plus ou moins fortement, d'une façon plus ou moins proximale ou plus ou moins proche. Mais il n'y a rien, encore une fois, qui évolue en silo, en isolation. Mais est-ce que ça suppose que les espèces évoluent au même rythme? Parce que sinon, il va y avoir le guépard qui va se mettre à courir plus vite que la gazelle ou inversement. Non, il faut que ça soit équilibré. L'évolution, c'est un peu un synonyme de changement dans le temps. Pour que le changement s'opère et pour que les espèces durent, il faut qu'on ait un équilibre qui dure. Un équilibre, c'est ce qu'on appelle un équilibre dynamique. Là. Si je peux donner une image de l'équilibre, un équilibre statique, c'est quand je suis couché dans mon lit. Là. Je suis en équilibre statique. Mais quand je marche, je suis en équilibre dynamique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je lève un pied, pendant que le pied est dans les airs, je suis en train de tomber. Et juste avant de tomber, je mets le pied par terre. Ensuite, je mets le suivant. Donc, c'est un déséquilibre qui est entretenu. C'est une sorte de déséquilibre contrôlé, donc ce qu'on appelle un équilibre dynamique. Mais la relation entre les espèces est exactement pareille. S'il y a une perturbation de cet équilibre-là, mais là, au lieu d'avoir une coévolution, on a ce qu'on appelle une co-extinction. Ah. C'est-à-dire, si une espèce devient plus efficace ou moins abondante, ben l'autre espèce va en subir des conséquences, et puis là, les deux sont entraînés dans une spirale vers le bas jusqu'à disparaître. Donc, finalement, ça peut à la fois expliquer l'évolution des espèces, peut-être dans le sens aussi de la... Je sais pas, de la forme, l'émergence de nouvelles espèces, mais aussi dans le sens de l'extinction des espèces. Oui, absolument. Absolument. Cette théorie. Absolument. Parce que, un équilibre statique, c'est très robuste, mais un équilibre dynamique, c'est très fragile. Alors, dans le cas de la marche, par exemple, il suffit d'un caillou sur le sentier ou d'une plaque de glace comme aujourd'hui sur le trottoir, et puis c'est détruit. Donc, l'équilibre dynamique est fragile et n'est pas évident à maintenir. Donc, l'extinction est toujours, menace toujours, mais on voit dans un très grand nombre de cas de cet équilibre qui dure. Puis encore une fois, ça s'applique à toutes les relations de toutes les espèces avec leur milieu, particulièrement avec la relation d'une espèce avec d'autres espèces. Donc, ça veut dire que c'est tout l'écosystème qui évolue comme une espèce de réseau, comme vous le disiez. Voilà. Donc, des fois, ça se passe peut-être deux à deux, mais des fois, c'est trois ou ça s'avance. Absolument, ça joue, absolument. Donc, est-ce que ça nous éclaire sur le fonctionnement de l'écosystème, finalement? Bien, encore une fois, ça souligne le fait que l'écosystème est un réseau intégré. les éléments sont liés les uns aux autres. On dit parfois il suffit qu'une espèce disparaisse pour déclencher la disparition de d'autres espèces. Ça arrive rarement comme ça, parce que pour mm-hmm. que ça arrive, il faudrait que chaque espèce, que les deux espèces soient totalement dépendantes l'une de l'autre. Normalement, les espèces sont un peu plus généralistes. Elles sont capables de... Elles vont souffrir de la disparition d'une espèce, mais sont capables de s'adapter relativement. Donc, l'écosystème... Il faut toujours se rappeler que l'écosystème, de toute façon, l'équilibre de l'écosystème, c'est une conséquence secondaire. Mm-hmm. Du seul mécanisme actif qui opère, c'est la sélection naturelle sur les gènes et sur les individus. Mais l'écosystème, donc, si l'écosystème se détériore et perd son équilibre, bien, les participants à l'écosystème, les membres vont en souffrir, mais les individus n'ont pas comme objectif de maintenir l'équilibre de l'écosystème, mm-hmm. mais ils en dépendent quand même. Donc, le maintien de l'écosystème, de l'équilibre, est une conséquence secondaire. Ah oui. Mais qui est primordiale pour la survie des participants. Mais c'est parce que c'est comme une boucle, alors, parce que c'est la conséquence, mais en même temps, l'écosystème est la conséquence, mais en même temps, comme les animaux évoluent les uns en interaction avec les autres, donc cette conséquence influe l'évolution des espèces entre elles. Voilà, c'est une boucle de rétroaction positive, ouais. comme on mm-hmm. dit, un feedback positif. Mm-hmm. Et s'il y a une perturbation, ben on assiste à une boucle de rétroaction négative, puis là, ça spirale vers le bas, les espèces disparaissent mm-hmm. quand il y a une perturbation majeure dans le système. Mm-hmm. Et qu'est-ce qui se passe si des composants de l'écosystème se mettent à changer trop vite, comme peut-être c'est le cas avec les changements climatiques, donc trop vite par rapport avec la capacité des espèces à évoluer? Ben, c'est l'équivalent de la plaque de glace sur le trottoir. Ah, oui. On a un équilibre qui est perturbé par un élément extérieur, et comme... les changements climatiques anthropiques causés par l'homme sont extrêmement rapides. C'est sûr qu'il y a un grand nombre d'espèces qui sont incapables de s'adapter. Elles peuvent migrer, elles peuvent suivre le réchauffement climatique d'une région par rapport à une autre, mais éventuellement, c'est beaucoup trop rapide pour permettre à la sélection d'adapter les espèces, particulièrement les espèces qui ont un long temps de génération. Mm-hmm. Dans le cas des bactéries, les bactéries sont capables de toujours s'en tirer parce que leur temps de génération est très court, parce que le temps de l'évolution ne se mesure pas en années, mais se mesure en générations. Donc, si une génération de bactéries prend 20 minutes par rapport à une génération humaine qui prend 20 ans ou d'éléphants qui prend 25 ans, bien, c'est sûr que si les milieux changent rapidement, la sélection n'a pas du tout l'opportunité mm-hmm. d'adapter l'espèce suffisamment vite. Donc, il y a un déséquilibre et puis là, il y a des disparitions mm-hmm. d'espèces. C'est inévitable. L'écosystème, c'est comme si le réseau était un filet avec les nœuds représentant les espèces, mm-hmm. les liens représentant les relations, puis là, il y a un trou dans le filet. C'est ça, parce que même s'il y a certaines espèces qui vont être capables, parce que bon, elles ont des générations plus rapides, des taux de génération plus rapides, donc ils vont être capables de suivre le rythme des changements des climatiques, mais comme elles évoluent les unes avec les autres, si les espèces avec lesquelles elles sont en coévolution ne suivent pas le même rythme, ben même ces espèces-là qui seraient capables de s'adapter au rythme des changements climatiques vont pas pouvoir s'en sortir. C'est alors, ça, c'est ça. Si elles n'arrivent pas à courir assez vite. C'est la reine rouge qui court pas assez vite, là, elle recule. Si leur, comment je dirais, coévolutionnaire là, ne sont pas, j'invente le mot là, ne sont pas capables de suivre le rythme, la coévolution est brisée, c'est ça? C'est ça. Donc on arrive à ce que j'appelais tantôt la coextinction. C'est une espèce, puis va entraîner par un processus de cascade, va entraîner la disparition de peut-être d'autres espèces qui lui sont associées très très fortement. Mmh. Et avec les bactéries, donc ça c'est vraiment un cas vraiment extrême, parce que on a quand même une pression de sélection assez forte dans les hôpitaux avec les bactéries. Voilà. Et on est capable de faire des antibiotiques, mais les bactéries sont capables de résister. Donc là, on a une véritable course aux armements. Ouais. C'est que là, la course est entre les bactéries et le monde médical ou la médecine. Et comme le temps de génération des bactéries ou des virus est très, très court, ben, il faut courir vite. On le voit dans le cas des vaccins, par exemple, contre la grippe. Vous vous souvenez, il y a une couple d'années, on prépare les vaccins autour du mois de février-mars pour la grippe de l'automne. Ouais. Puis, il y a deux ans, on a préparé le vaccin comme d'habitude. Puis entre février ou mars et l'automne, le virus avait muté suffisamment pour faire en sorte que le vaccin n'était plus efficace. Mm-hmm. Donc là, c'est une reine rouge qui a couru très, très vite. Oui, d'accord. Bien, c'est quand même assez intéressant. Je pense que ça nous éclaire à la fois sur le mécanisme de l'évolution, puis sur notre compréhension de l'écosystème en général. Donc, je pense que c'est quand même une discussion intéressante que nous avons eue. Moi, je pense que le mot-clé, là, c'est l'interdépendance. Oui. On n'est jamais isolé. On est interdépendant de tout ce qui nous entoure. Mm-hmm. C'est peut-être une leçon à tirer quand on voit les dommages qu'on cause à l'environnement. Ben, c'est pas l'environnement seulement qui souffre, c'est nous. C'est ça, on en fait partie, puis on va en souffrir éventuellement. Ouais. Puis c'est assez curieux parce qu'en fait, cette notion de théorie de la reine rouge, on la retrouve donc généralement dans l'écosystème, mais on la retrouve aussi dans l'écosystème et dans l'écosystème humain et dans les relations commerciales. Oui, absolument. C'est une métaphore, c'est un principe qui s'applique partout où il y a des interactions. Ouais, c'est ça, exactement. Partout où il y a des interactions entre des éléments qui sont liés les uns aux autres, il y a ce phénomène de course aux armements ou de coévolution ou de nécessité de courir pour pas reculer. Dès qu'il y a une compétition, donc qu'elle soit une compétition dans le monde animal ou dans le monde commercial humain, il va y avoir cette course un petit peu aux armements. Bon, c'est pas des armements toujours classiques. Non, mais c'est une course aux moyens. Puis, malgré cette course, on reste sur place. Exactement. C'est rare qu'on va... Si on devance, bien là, c'est comme le guépard qui devient trop efficace pour attraper des proies, et là, ça se déséquilibre. Donc, on court pour rester sur place. Mm-hmm. Puis, réussir à rester sur place, c'est déjà une victoire. Mm-hmm. Voilà, donc on va rester sur cette idée de victoire, de courir pour rester sur place, et que c'est quand même une victoire. Courir pour aller nulle part, mais pour survivre. Oui. Belle conclusion. Alors, je vous remercie beaucoup, Cyril Barrette. Donc, je rappelle que vous êtes professeur émérite au département de biologie à l'Université Laval. Et on va avoir d'autres occasions de parler peut-être d'évolution du comportement animal au cours de l'année 2017. Ça peut très bien arriver. Merci beaucoup, Monsieur Barrette. Merci à toi. Merci, au revoir. On va faire une petite pause musicale sur CKRL au 89.1. Et ce sera ensuite le mot de la fin.